sont contaminés. Une salle sombre, une table, un cendrier. L'écran éclaire, les yeux du meurtrier. Poignet pris dans le froid de l'acier. L'officier debout dans ses bouffées de fumée. Souffle des perspectives entre parler et cogner. L'avocat se tient là, dans le silence du bruit. Comme un renard qui guette le corbeau pour clouer son bec d'alibi. Le flic terre à terre a le flair d'un stagiaire sans vice. La police fait justice, mais la justice fait taire la police. On n'arrête pas le maire de la ville avec la merde en ville. On condamne la merde sur trottoir, mais jamais le chien. Les cols blancs commettent crime à prendre 100 ans. Moi je procès étalé sur 100 ans, les médias brassent du vent. Place Vendôme, ville honorable, société. Milliardaire monté sur la criminalité. Adulé par célébrité, je vois trop de caïds à l'écran. Moi j'y cherche tous les clades, flingue dans les crèmes. Shérif proxénète, fait le net sur les dames du canal. Dégorge au saloon son divorce dans les grammes. Mère trempée joue des gammes politiques, mène affaire plein de grammes. Sous table mène traîne vie polygame. Tête propre, mince à l'élite corrompue. Blanchi vendu comme disque polygramme. Col blanc criminel avec tête d'haricole. Crime silencieux à la ronde viticole. Faut qu'on s'y colle vieux. Un franc pèse lourd pour ma vie de crève. C'est quand il fricote avec le pèse lourd, moi je crève. 25 ans, je traque l'oseille, Willy, prends les faf quand je peux. Quand je crève la dalle en solo, le hip hop, Willy, hein. Un franc pèse lourd pour ma vie de crève. C'est quand il fricote avec le pèse lourd, moi je crève. Combien de fois j'ai passé au braquage, assez braqué sur une vieille, lui dire que je ressens déjà la fin à mon âge. Quand on parle d'espérance, où ils brassent les millions. Je les entends dire, ne regarde pas, y'a rien pour toi, garçon. Ce pays, c'est 3 millions de chômeurs pour 100 milliardaires. Les gavés font de la voix, le reste en prend plein la gueule. Des miettes pour les pauvres, de l'or pour la jet set. Des jours de labeur et toute une vie de recette. 15 ans aux ascétiques pour Nadia Eriton. 3000 ans de SMIC pour les anciens patrons. Ma génération veut plus que celle de mes parents. Si je rêve de richesse, de quoi rêveront mes enfants? Si trop sont prêts à braquer, c'est qu'on est tous au courant de la merde dans laquelle on est. Ça, tu le sais. Dans la vie, sur scène ou sur disque, je fais pas le player. Je claque pas 10 briques par jour, je suis pas Richard Breyer. Trop d'esprouf sous nos yeux et trop de cœur fermé. Marre de se lamenter, il est temps de palper le blé. Un franc pèse lourd pour ma vie de crève. C'est quand il fricote avec le pèse lourd, moi je crève. 25 ans, je traque l'oseille, Willy, prends les faf quand je peux. Quand je crève la dalle en solo, le hip hop, Willy, hein. Un franc pèse lourd pour ma vie de crève. C'est quand il fricote avec le pèse lourd, moi je crève. Combien de fois j'ai passé au braquage, assez braqué sur une vieille, lui dire que je ressens déjà la fin à mon âge. Les poches vides, l'œil fuite, seul et sans guide, les nerfs lâches. Beaucoup sombre, certains coulent, d'autres nagent. Les huissiers tapent à ta porte, mon vieux. Cramé par les dettes, boîte aux lettres, mise en demeure et contentieux. Pourtant, on rêve tricher. Avec un compte plein de flèches, partir loin, brasser les milliards comme Ferdinand Piège. Sortir de ce créneau où les pauvres restent misérables. Crever le plafond d'un monde blindé intouchable. Ami, je peins entre ciel et terre, paradis enfer. Bon élève ou gangster, éducation de rue ou mon père. À moitié homme animal, je manie ombre et lumière. Entre smic et millionnaire, y'a qu'un pas, le revolver. Chaque jour est une révolte fer. Je doute et m'abstiens, comme ceux qui sachent d'où vers l'est faire. Le rap, c'est 100% de ma vie pour 10% de mon art. Si je braque, c'est 100% de bénéf et 10 ans de placard. Un franc pèse lourd pour ma vie de crève. C'est quand il fricote avec le pèse lourd, moi je crève. 25 ans, je traque l'oseille, Willy, prends les faf quand je peux. Quand je crève la dalle en solo, le hip hop, Willy, hein. Un franc pèse lourd pour ma vie de crève. C'est quand il fricote avec le pèse lourd, moi je crève. Combien de fois j'ai passé au braquage, assez braqué sur une vieille, lui dire que je ressens déjà la fin à mon âge.